Chapitre 2. Un soupir de Devin Bridgeport, qui, sous les soins du docteur, commençait à revenir à la vie, nous attira tous de son côté. Le malade, maintenant, ne fut pas loin à retrouver ses esprits. Inutile de dire son étonnement, quand ses yeux, nettoyés du brouillard d'un pareil réveil, aperçurent tout le monde rangé autour de son canapé. Lorsqu'il put enfin parler, ses réponses plongèrent M. Barentin qui le questionnait dans la plus grande stupéfaction et, comme l'avait fait pressentir Paulin Broquet, causèrent au magistrat la plus profonde déception. Devin Bridgeport ne se souvenait de rien. Il ne savait en aucune façon ce qui lui était arrivé. Plus que tout le monde, il se montra étonné qu'on lui apprît de quels événements extraordinaires il était le héros. Mais comme il se sentait à présent sain et sauf, il trouvait l'aventure plaisante, bien dans le goût américain, et il se mit à rire. « Ça va me donner l'occasion, dit-il, de faire un très amusant article. » Monsieur Barentin ne savait réellement comment cacher son dépit. Quant à Paulin Broquet, un peu à l'écart, dans un angle de la pièce, il semblait en dehors de tout cela et fort absorbé par l'admiration que lui causait un des tableaux accrochés au mur. Le rire de Devin Bridgeport était absolument sincère. Sa gaieté franche, impossible de soupçonner seulement qu'il cherchait à donner le change au magistrat. On ne pouvait croire qu'il connaissait la vérité et qu'il ne voulait pas la dire. Au contraire, il désirait évidemment être renseigné sur son aventure afin de pouvoir mieux écrire son amusant article. « Mais, insista M. Barentin, vous ne me ferez pas croire qu'on a pu essayer de vous étrangler et que vous n'avez pas pu vous en apercevoir. »« Je ne vous dis pas de le croire, » répondit Bridgeport. Mais je vous affirme que c'est la vérité. Je ne sais rien. Je ne me doute de rien. Et j'attends de vous l'explication de tout cela. Cependant, vous avez reçu plusieurs visiteurs hier. Deux ou trois seulement. Vous pouvez donc nous dire quelles sont ces personnes, facilement. J'ai reçu d'abord deux rédacteurs de ce journal qui me remettaient leurs copies que je devais voir avant de les envoyer à la composition. C'est dans les habitudes de la maison. La troisième personne, c'est M. Harry J. Brewster. Le juge d'instruction demanda. Ce visiteur est-il parent de Hughes J. Brewster, le multimillionnaire de New York? C'est son fils. Puis-je savoir la raison de la visite de Harry J. Brewster? Je n'ai aucun prétexte de la cacher. Elle est très simple, toute naturelle et nullement enveloppée de mystère. Harry J. Brewster est un jeune et charmant garçon que je connais bien, avec qui je suis dans les meilleurs termes. Donc ce n'est pas lui qui m'a passé au cou le fil du téléphone. Mais pourquoi est-il venu vous voir? Harry J. Brewster est non seulement le brillant sportsman que tout le monde connaît, mais également un fervent amateur d'art. Hier soir, il est venu me donner quelques renseignements que je lui avais demandé précédemment sur un concert qui devait avoir lieu dans la soirée à la salle Gavel, rue de la Boétie. Ce concert, continua Bridgeport, auquel devait assister tout le grand monde américain de Paris, était donné en l'honneur de Miss Stella Starring, une chanteuse étoile de grande célébrité en Amérique, pour sa voix admirable et sa rare beauté. Miss Starring est de passage à Paris. Après avoir chanté au profit des œuvres de guerre en Angleterre, dans toutes les villes de France, dans les hôpitaux militaires, elle voulait donner un dernier concert pour l'œuvre des Gueules Cassées à Paris. Et M. Harry J. Brewster vous a porté des documents sur ce concert. En tant qu'ami des arts, Harry J. Brewster s'intéresse beaucoup à la chanteuse, dont il apprécie fortement et le talent et la beauté. J'ajoute, en voyant votre sourire de français, qu'il en admire le caractère loyal et la vie absolument irréprochable. Nous vous croyons, dit M. Barentin. Ça n'a d'ailleurs rien à voir avec notre affaire. Vous n'avez reçu personne après la visite de cet amateur éclairé de l'art et des belles chanteuses américaines. Je vous demande pardon, j'ai encore reçu quelqu'un. Vous connaissez ce dernier visiteur? Pas du tout. C'est un Américain de passage à Paris qui m'a donné je ne sais plus quel nom, un nom très répandu chez nous qui ne me dit rien, et je le reçus quand même. Il fit dans mon bureau, je dois l'avouer, une entrée un peu vive et suffisamment bizarre. Hein? Il me demanda sur un ton bref, comme un commandement militaire. « Donnez-moi, je vous prie, toute la collection de New World Herald immédiatement. »« Toute la collection de New World Herald ?» s'écria M. Barentin. « Qu'est-ce qu'il voulait bien en faire ?» Il tenait à la consulter du commencement à la fin pour y trouver un renseignement dont il prétendait avoir un besoin absolument urgent, qu'il devait découvrir tout de suite, dont il ne pouvait se passer. Alors, je lui fis observer qu'il y avait là, dans ma bibliothèque, près de 50 années à parcourir, que ses recherches ne seraient pas très aisées, qu'elles devaient lui demander énormément de temps. En effet, que répondit-il à cela ? Il me dit qu'il mettrait tout le temps nécessaire, mais qu'il parcourrait entièrement, feuille par feuille, colonne par colonne, la collection du journal jusqu'à ce qu'il ait trouvé le renseignement qu'il cherchait. C'était un fou. Ou bien un de ces maniaques, comme nous en voyons parfois des échantillons paraître dans les bureaux de rédaction. Se tournant vers moi, Bridgeport ajouta. « Mon ami peut vous dire que ces visites sont aussi fréquentes chez les journalistes et les hommes de lettres. » Puis il reprit. Malgré mes observations, il persistait à vouloir feuilleter les 50 années du journal. Je lui demandais, pour simplifier les choses, pour aller plus vite, connaissant ma collection et pouvant le mettre au courant facilement quel était l'objet de ses recherches, ce qu'il désirait savoir. C'était tout naturel que, répondit-il, il me répondit que cette affaire le regardait personnellement, qu'il n'avait pas abandonné connaissance, qu'elle avait fait assez de bruit à l'époque pour qu'il en pût retrouver, dans un temps assez court, la relation dans le journal. Alors j'ai essayé de m'en débarrasser en lui affirmant que si j'avais la garde des collections, je n'avais pas le droit de les donner en communication, de les laisser parcourir sans une autorisation du directeur. « C'est bien, » me répondit-il, « je vais aller demander l'autorisation du directeur. » Il sortit de mon bureau, vivement, comme il était entré. « Alors, qu'avez-vous fait ?» Pendant son absence, craignant un retour offensif avec une permission qui m'aurait fort ennuyé, par prudence, pour avoir un motif nouveau d'ajournement, de refus, j'ai retiré la petite clé de fer de la serrure de la bibliothèque afin de lui donner comme prétexte que cette clé se trouvait chez moi, à mon domicile particulier, et que je ne pourrais l'avoir avant le lendemain. C'était une bonne précaution. Mais ce fut une précaution inutile. Comme je m'y attendais un peu, ce visiteur ne reparut plus. Je ne l'ai pas revu, et voilà. C'est tout ce que vous pouvez nous dire, absolument tout. Maintenant, vous en savez autant que moi. J'ajoute cependant que dans la soirée, j'ai eu la tranquillité habituelle, que j'ai pu faire loisir mon article qui a dû paraître ce matin dans le journal, et que je ne pensais même plus à ce visiteur désirant si ardemment ce document. C'est très bien. Je vous précise cet incident pour que vous sachiez tout ce qui s'est passé dans mon bureau et que vous compreniez mon étonnement quand tout à l'heure je me suis réveillé au milieu des magistrats, des hommes de loi français, devant mon confrère et devant M. Paulin Broquet. Tout en parlant, Dave Bridgeport s'était dressé sur ses pieds. Il avait retrouvé sa bonne humeur. Cet événement l'amusait beaucoup, en vérité. M. Barentin prit encore la parole et dit « Pour conclure, vous ne portez sur le corps aucune blessure, aucune marque de coup, rien enfin ?»« Non, rien, » répondit le docteur pour Dave Bridgeport. « La victime n'a rien sur le corps, sauf les légères éraflures qu'il garde au cou, faites par le fil téléphonique et un bleu sur la joue droite, près du menton. » « Marque sans aucune importance, » dit alors M. Barentin, et dont l'explication est simple. Celles du cou, vous venez de le dire, docteur, sont dues au fil téléphonique. Quant au bleu du menton, on peut l'attribuer à la chute faite sur le tapis par M. Bridgeport. L'explication est claire, c'est tout, c'est suffisant. Dans ce cas, M. Bridgeport, nous allons continuer sans vous. Vous pouvez rentrer chez vous et achever de vous remettre de vos émotions. Dès que Dave Bridgeport fut sorti du salon de réception, M. Barentin nous dit « Je vois qu'on nous a dérangés pour rien. Cette aventure se résume à zéro. C'est une affaire à classer. La vérité, voulez-vous que je vous la dise ?» La vérité est que M. Bridgeport, malgré ses habitudes d'extrême tempérance, a dû faire hier soir un bon dîner et qu'il l'a bien arrosé. Il a pu accomplir son travail quotidien par la force de l'habitude. Il a pu recevoir ses collaborateurs, puis M. Harry J. Brewster et même probablement cet inconnu en quête de documents. Si toutefois, ce visiteur n'est pas un fait de son imagination. Enfin, succombant après une lutte assez longue aux suites de son bon dîner, il est tombé sur le tapis où il a dormi dans les vignes du Seigneur jusqu'à ce matin. C'est le garçon qui, en le découvrant, a cru à un crime et qui, sans s'assurer de la réalité du fait, a donné l'alarme. Ce n'est qu'une fausse alerte. Je classe définitivement l'affaire. » Peu après, le juge d'instruction se retirait, emmenant avec lui ses secrétaires et les autres magistrats, abandonnant Paulin Broquet sur le théâtre de ce qu'il appelait le crime de fantaisie. Il dit à son secrétaire, « Laissons le détective préparer son article pour un magazine. » Quand M. Barentin fut sorti, Paulin Broquet demanda au garçon du bureau si M. Bridgeport était parti. La pseudo-victime se trouvait dans le bureau de M. J. S. Mounts, le directeur du New York Herald, qui venait d'arriver rue de l'Arbre sec. « Priez M. Bridgeport, dit Paulin Broquet, de m'accorder 2 minutes. » M. Bridgeport parut presque aussitôt dans le salon d'attente. Paulin Broquet lui demanda, « Quand vous avez retiré la clé de la serrure de la bibliothèque, dans quelle poche de votre gilet l'avez-vous mise ? Dans celle-ci, à droite ? À droite, dans la poche du bas, pas dans celle du haut ? Vous en êtes bien sûr ? Absolument. En effet, dans celle du haut, à droite, je loge mon stylographe et mon crayon à verre sharp. À force de les y mettre, de les enlever, la poche a sa doublure usée à cet endroit. Je me serais bien gardé de mettre dans cette poche douteuse la précieuse clé. C'eût été de la folie. Cependant, c'est ce qui est arrivé. Comment cela ? J'ai trouvé cette clé que voici. Mais c'est la clé de ma bibliothèque. J'en étais sûr. J'ai donc trouvé cette clé de votre bibliothèque entre votre gilet et votre chemise, en haut. Qu'est-ce que vous me dites ? La clé avait donc glissé par la poche de droite, en haut. Mais je vous affirme que je suis certain de ne l'avoir pas mise dans cette poche. Alors, dit Paulin Broquet, c'est que quelqu'un qui ne savait pas que cette poche était défectueuse l'y a mise pour vous. Cette constatation, si simple en apparence, faisait d'un coup rebondir cette affaire que M. Barentin avait si délibérément classée et qu'il croyait absolument terminée. Il venait d'être prouvé par Paulin Broquet que quelqu'un avait pris la clé sans que M. Bridgeport ait pu s'en apercevoir, dans la poche du bas de son gilet, et ensuite l'avait replacée au hasard dans la poche défectueuse du haut. Immédiatement, quantité de suppositions jaillirent dans l'esprit de chacun de nous. Il devenait évident que l'homme qui avait pris cette clé était celui qui avait voulu à toute force consulter la collection du New World Herald, celui qui, pour faire cette longue opération, malgré la résistance du gardien de la collection, avait essayé d'étrangler M. Bridgeport, celui enfin qui l'avait mis dans l'état dans lequel on l'avait découvert ce matin. M. Bridgeport, très étonné, allait demander des explications à Paulin Broquet quand M. Mounts, le directeur, entra dans le salon en riant. « Mon cher Bridgeport, lui dit-il, vous n'avez pas de chance ce matin. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je viens de recevoir un coup de téléphone curieux de M. Hughes J. Brewster qui me dit de vous réprimander fortement, comme d'ailleurs il le faisait pour moi. Qu'avons-nous pu faire de si blâmable ? Nous avons inséré un article, d'ailleurs très bien, sur Miss Stella Starring. Mais c'était très juste et très mérité. Oui, mais M. Hughes J. Brewster ne veut pas, sous aucun prétexte, qu'on imprime dans le New World Herald le nom de Miss Stella Starring. En voilà une fantaisie. Cette grande artiste, cette femme charmante, ne rien dire d'elle, pour quelle raison ? Il faudra d'abord obéir. Même, mon cher ami, si vous espériez par ce moyen faire la cour à Miss Stella Starring. Parce que M. Hughes J. Brewster est un des plus puissants actionnaires du journal et qu'il hait profondément Miss Stella Starring. Pourquoi ? Parce que Harry, son fils unique, pour qui il rêve un mariage avec une princesse royale quelconque, est amoureux fou de la divine chanteuse et veut l'épouser. Il pourrait faire plus mal. Et le monde entier envierait son bonheur s'il était le mari de cette femme exquise en tout point. Je suis de votre avis, mais ce n'est pas celui du père, et pour le moment nous devons obéir au père. Bon, bon, grommela David Bridgeport. Nous ne dirons plus rien, dit Miss Stella Starring. Mais nous ne penserons pas moins que c'est une divine artiste. Paulin Broquet en avait sans doute appris suffisamment ce matin dans les bureaux de la rue de l'Arbre sec. Il se retira en m'entraînant. Pensez, mon cher, me dit-il, quand nous fûmes dans la rue de Rivoli, hors de la foule qui assiégeait toujours la maison, pensez que M. Barentin a classé ce dossier de l'affaire du New World Herald sans avoir entendu ce que nous venons d'apprendre. À partir de ce moment, Paulin Broquet ne voulut plus parler de cette affaire. Selon son habitude, il tenait à la laisser, comme il disait d'une façon pittoresque, mijoter doucement sans lever le couvercle. Il m'emmena déjeuner chez lui, ce qui devait surprendre la fidèle et dévouée gouvernante, car midi allait sonner et nous serions à table à l'heure réglementaire du repas. Combien de fois Paulin Broquet, ayant commandé son lunch pour midi précis, ne rentrait qu'à 4 heures ou tard dans la nuit. Souvent même, il ne reparaissait que quelques jours plus tard. Ce n'était vraiment pas le moyen d'avoir de la bonne cuisine cuite à point. Tout le long du chemin, dans l'auto qui nous ramenait, Paulin Broquet ne dit pas un mot. Je me gardais bien de troubler son silence. Il se contenta de regarder les passants sur le trottoir tout en fumant son éternelle cigarette, qu'il laissait constamment s'éteindre et qu'il rallumait incessamment. La vieille gouvernante de Paulin Broquet fut enchantée de voir son maître apparaître à l'heure. Elle n'en croyait pas ses yeux et nous affirma que nous allions déjeuner comme des princes. Dans sa joie, dans son empressement, elle faisait 4 pas pour 2 et, voulant aller plus vite, perdait beaucoup plus de temps à rien. Tout de même, on finit par déjeuner fort bien, ma foi. Paulin Broquet se fit servir le café, non pas dans son petit salon de réception, mais dans son vaste studio, qui lui servait de cabinet de travail et se trouvait à côté de son laboratoire de chimie et de photographie. Nous nous assîmes, comme chaque fois, l'un en face de l'autre, ayant entre nous un peu en arrière un des coins de la grande table de travail sur laquelle reposait le plateau supportant la cafetière, les tasses et la bouteille de vieux calvados qu'aimait beaucoup Paulin Broquet et que je ne détestais pas. Les cigares allumés, les premières gorgées d'un mocha excellent dégustées religieusement, Paulin Broquet me dit « Miss Stella Staring est vraiment une grande et belle artiste, vous la connaissez. J'ai eu l'occasion de l'entendre plusieurs fois en Amérique, en compagnie de mon ami Cochrane Harper, le fameux détective de New York. Je l'ai entendue en France pendant sa tournée de bienfaisance quand elle chantait dans les camps américains, dans les hôpitaux alliés. J'ai eu l'occasion de voir qu'elle était aussi vaillante que belle, aussi courageuse que grande artiste. Contez-moi ça, mon cher. Un soir, qu'elle chantait dans un hôpital du front, les avions ennemis bombardèrent l'hôpital. Miss Staring aida au sauvetage des blessés sans cesser de chanter. Une bombe tomba non loin d'elle, la couvrant de débris et de plâtras. Elle échappa à la mort par miracle. « Oh ! S'écria-t-elle, l'orchestre n'est pas en mesure. Mais heureusement, cet accompagnement est de quelques tons plus bas. » Puis elle reprit son chant en aidant à transporter les blessés. « C'est du joli courage. Oui. Je vous dis cela, mon cher, pour montrer l'âme et le cœur de cette grande artiste, pour qui j'ai la plus sincère admiration et la plus forte vénération. Sa vie est toute de beauté, de bonté et de scrupuleux honneur. Voilà la femme qui a le don d'exaspérer le multimillionnaire Hughes J. Brewster, de le mettre dans les rages folles. Amour déçu ? Demandai-je. Non. Hughes J. Brewster n'a jamais entendu Miss Staring. Il ne l'a jamais vue, mais il dépenserait la moitié de sa fortune pour briser la carrière de l'étoile, l'anéantir. Je m'écriai en riant. Ce n'est pas lui, pourtant, qui pour empêcher l'article élogieux de paraître ce matin dans le New World Herald a essayé d'étrangler hier soir le rédacteur Bridgeport. Hughes J. Brewster a environ 70 ans. Il est tenu dans son fauteuil par la goutte et il peut à peine bouger. Mais de tout temps, il a montré une haine implacable contre Miss Staring. À propos de cette adorable femme, il entre dans de telles colères qu'on craint chaque fois un accès d'apoplexie ou une remonte de sang au cœur. Tout cela parce que son fils est amoureux de la charmante artiste, on le prétend. En Amérique, tout le monde connaît cet amour sincère et profond des deux jeunes gens. Tout le monde l'approuve et voudrait applaudir à leur bonheur. Et tout le monde blâme le refus haineux et inexplicable du père empêchant cette union. Les amis, les parents qui ont voulu intervenir en faveur des jeunes gens furent reçus de telle façon par Hughes J. Brewster que personne n'ose plus revenir sur ce sujet. C'est de la monomanie de vieillard. J'ai demandé à Cochrane Harper si cette haine du père n'avait pas un autre sujet, une autre raison que cet amour du fils. Mais Cochrane Harper a secoué la tête sans vouloir me donner de réponse. Paulin Broquet se leva et se dirigea vers un des vieux meubles qui garnissait son studio. Ce meuble était une de ces anciennes armoires normandes, admirablement travaillées. Mais l'intérieur de cette armoire contenait une armature d'acier qui en faisait un coffre-fort. C'est là-dedans que Paulin Broquet rangeait une partie de ses innombrables dossiers. Sur l'un des rayons portant des annotations en lettres et en chiffres dans lesquels lui seul pouvait se reconnaître, Paulin Broquet prit un dossier, l'ouvrit et en tira une photographie qu'il me tendit. « Voilà, me dit-il, le portrait de l'étoile que l'on trouve dans tous les magazines en Amérique. » Je ne pus contenir une exclamation de surprise devant cette délicieuse image. « Elle est merveilleuse ? » m'écriai-je. « Mais encore, reprit Paulin Broquet, cette photographie ne peut vous révéler la pureté de teint de cette femme exceptionnelle, la blondeur de ses cheveux, sa grâce, le velouté de sa voix, son sourire exquis, la douceur de ses grands yeux d'un mauve profond, le charme enfin de tout son être. En Amérique, mon cher, ils tiennent à Miss Starling comme à une des beautés dont la généreuse nature a comblé leur pays comme un bijou national. Et son amoureux Harry, digne d'elle en tout point, beau et solide garçon, d'une force de taureau, un rire d'enfant, heureux de vivre sa vie, en faisant son possible pour que tous autour de lui soient aussi heureux de vivre, chantant son amour comme un oiseau dans le soleil. Une main toujours pleine d'argent, jamais fermée, un cœur ouvert, une âme toute claire, et sans les complications psychologiques des vieilles races européennes. Vrai type de la jeune et robuste nation américaine, un peu parente des Français, par nos gais cousins de Gascogne qui ont fait souche là-bas. Et le père, ah lui, ah, Hughes J. Brewster, un mot vous le dépeindra mieux que toutes les explications. C'est un requin de dollars. C'est un homme d'affaires terrible, impitoyable. Mon ami Cochrane Harper m'a dit que ce multimillionnaire avait eu des débuts extrêmement pénibles, fait un peu tous les métiers. Après, on ne sait trop quels avatars, il vint en France, fonda à Paris une agence d'affaires, puis il reparut à New York, tout à coup possédant un assez gros capital qui fut le début de sa fortune considérable. Vous pensez que cette vie de spéculateur n'allait pas sans quelques accrocs. Hughes J. Brewster fut plusieurs fois victime d'attentats, une fois entre autres ici à Paris, tout au début de sa carrière. L'affaire fut jugée, l'agresseur condamné, et m'a dit Cochrane Harper, cet homme mourut misérablement en prison. « Je comprends, observai-je, qu'un homme de ce calibre ne doive pas aimer la musique. Quant au fils Harry, il tient de sa mère, qui était une bonne et charmante femme, un peu trop sentimentale, trop sensitive pour un tel époux. Elle était d'origine irlandaise, quelque peu rêveuse. Elle vécut très malheureuse avec son mari, qui s'imaginait qu'à coup de dollars on achetait tout, même l'affection, même le bonheur. Elle mourut, m'a dit Cochrane Harper, quand Harry, qu'elle avait élevé avec une tendresse infinie, était déjà un grand et beau garçon. Elle mourut, cette excellente femme, mais après avoir pu, en cachette de son terrible mari, embrasser affectueusement la jeune fille qu'aimait déjà son Harry et qui n'était pas encore devenue Stella Starring. « Mais, mon cher ami, lui dis-je, vous me racontez là un roman sentimental comme un roman français. Votre étonnement montre que, comme tous les Français, vous ne connaissez pas l'Amérique. Vous vous imaginez que là-bas, c'est uniquement le pays du business, du dollar, qu'on y est dépourvu de tout sentiment de romanesque. Vous vous dites qu'il n'est vraiment pas commode aux galants de donner, par la nuit étoilée, une sérénade dans la rue de l'Aimé quand elle perche au 30e étage. Vous ignorez, en effet, que dans ces skyscrapers, on n'habite pas. Ce sont des bureaux pour le jour seulement. Mais le roman que je vous raconte prouve, en dehors de cela, que sous tous les cieux, l'humanité est la même, que l'âme a les mêmes pensées et que le cœur, dans les différentes langues, dit les mêmes mots. Paulin Broquet remit en place la photographie dans le dossier qu'il replaça dans l'armoire normande et il revint vers moi. « Maintenant, me dit-il, en roulant une nouvelle cigarette, maintenant que nous avons vu la partie romanesque de cette affaire... « Comment ? » m'écriai-je en sursautant. « Vous croyez que l'amour de Stella et du galant Harry se rattache à l'étranglement de ce pauvre Bridgeport ? Mais j'en suis absolument convaincu. » Et vous partagerez sous peu mon opinion. » Ce disant, il tira de son portefeuille la pochette de papier imperméable dans lequel il avait mis en garde le bout de plastron de la chemise de David Bridgeport et le morceau de journal datant de 31 ans. Il les étudia et les sentit longuement. Sur le bout de plastron de la chemise, il fit tomber quelques gouttes d'un flacon qu'il était allé prendre dans son laboratoire. Il suivit la réaction chimique, puis il me dit « C'est bien cela. Une partie du mystère est là-dedans. Le bon David Bridgeport a absorbé un poison à base de cognac ou de whisky dans lequel était mêlé un stupéfiant contenant de l'éther. Je retrouve ici les traces d'alcool et les preuves de la présence d'acide sulfurique. J'ai senti sur le tapis, sur le plastron et surtout sur la bouche de David Bridgeport des relents d'alcool et l'odeur spécifique de l'éther sulfurique. » Alors, vivement, il courut à l'indicateur du téléphone et demanda un numéro. Au bout d'un moment, il fut mis en communication. « Monsieur Hughes, James Brewster, » demanda-t-il. « Monsieur Harry ? Lui-même ? Parfait. Je suis Paulin Broquet, le détective. J'ai besoin de vous voir tout de suite. » « C'est cela. Au sujet de Monsieur Bridgeport. » « Veuillez attendre 10 minutes. J'arrive. » Peu après, nous roulions en auto vers l'avenue du Bois de Boulogne où se trouve le palais de Hughes J. Brewster. Le fils, Harry, dans ce splendide bâtiment, habitait une aile indépendante qui le faisait comme un petit hôtel particulier, de sorte qu'il était absolument chez lui tout en vivant avec son père. Harry nous reçut de la façon la plus ouverte et la plus affable. C'était bien le grand et beau garçon que m'avait dépeint Paulin Broquet, franc et sympathique au plus haut point. Après échange de paroles courtoises entre nous, Paulin Broquet lui demanda « Vous êtes le dernier visiteur qui, probablement hier, dans la soirée, avait vu M. Bridgeport. C'est fort possible. Vous a-t-il paru dans son état normal? Ou avez-vous remarqué qu'il avait un peu trop bien dîné ?» Harry J. Brewster sursauta. « Lui, mon vieux Bridge, lui, ça ne lui est jamais arrivé de la vie. Hier, quand je l'ai vu pour lui remettre une note artistique, il tapait tranquillement son article politique qui est paru ce matin et qui est très raisonnable, très bien. Comment s'est passée cette entrevue dans son bureau ? » Nous avons assez longuement parlé de musique et du concert que doit donner Miss Taring, dont il apprécie beaucoup le grand talent. Mais tout cela de la façon la plus calme, la plus posée du monde. Je vous remercie. C'est tout ce que je voulais savoir. Je suis navré de ce qui arrive à ce bon Bridge. J'irai tout à l'heure lui serrer la main. « Après la répétition ?»« Oui, » répondit Harry, avec un sourire heureux. « Après la répétition. C'est moi qui ai l'honneur et le grand plaisir d'accompagner Miss Taring dans ses courses dans Paris. » Comme nous quittions l'hôtel de Hughes J. Brewster, deux hommes à quelque distance l'un de l'autre saluèrent discrètement le détective. L'un se trouvait sur le pas de la porte du palais. À celui-ci, Paulin Broquet rendit sans plus son salut. L'autre se promenait un peu plus loin dans l'avenue. À celui-là, Paulin Broquet fit un signe. L'homme s'approcha de nous. « Raymond, » lui dit Paulin Broquet, « vous viendrez me faire le rapport de ce que vous apprendrez dès ce moment sur le père et sur le fils J. Brewster, ainsi que sur Miss Stella Staring. Oui, chef. » Quand l'auto nous emporta, Paulin Broquet me dit « Ce sont deux détectives employés par M. Hughes J. Brewster. Le dernier, Raymond, est un garçon intelligent. Je lui ai promis de le prendre dans ma brigade. L'autre, le pic, est un balourd. » En souriant, Paulin Broquet ajouta « Celui-là, nous le donnerons à M. Barentin. » Peu après, Paulin Broquet me débarqua à ma porte et, sans rien dire de plus, s'éloigna vers une direction que je ne devinais pas.